Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Comme je l'avais annoncé dans mon émission d'hier soir et un petit peu plus tôt dans la journée sur la page Facebook Radio Gémozo que vous pouvez aller visiter sans problème, on reçoit à nouveau le mouvement de la paix avec Pierre-Olivier Poyard. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir à tous. Oui, et à ce qu'on voit, on va peut-être prévenir tout de suite les auditeurs, t'es un petit peu malade, donc au cas où on entend des toux, des éternuements, on s'excuse par avance, hein, ce sont les aléas de la vie et du direct. Mais tu es là pour faire cette émission, un vaillant pilier du mouvement de la paix des Vosges. Ouais, fidèle au rendez-vous. En effet, ça fait plaisir à voir. On fait un rapide petit sommaire. Pour l'émission de ce soir, comme d'habitude, on prend un petit peu la température de la paix dans le monde, ce qu'il en est au niveau de l'actualité, de la France aussi, bien sûr. Le sujet du jour, le sujet principal, si je ne me trompe pas, c'est la politique étrangère de la France. Et il me semble, tu m'avais dit ça par téléphone plus tôt dans la journée, il y a matière à faire. Et enfin, comme d'habitude, pour clôturer l'émission, des petites actualités, si le mouvement de la paix en a à annoncer. Est-ce que tu es prêt, Pierre-Olivier ? Ouais. On est prêt. Alors, on est parti. Comment va la paix dans le monde en ce moment ? C'est pas forcément évident, hein, toujours. Hein. En fait, je suis un peu perturbé aujourd'hui parce que au mois de janvier, c'était d'ailleurs la première action du mouvement de la paix. Au niveau départemental depuis plusieurs mois et plusieurs années. On avait invité le président de l'association d'amitié franco-coréenne qui s'appelle Benoît Kennedy. Et en fait, ce matin, en écoutant une radio nationale, j'ai entendu qu'il avait été arrêté. Donc le président de l'association d'amitié franco-coréenne et qu'il avait été arrêté depuis 2 jours. Donc, j'étais un peu incrédule. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à lui reprocher ? Surtout que c'était assez ridicule. Apparemment, on l'accuse d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Ça fait rire les gens qui le connaissent. Et en fait, j'ai vérifié, et effectivement, il a bien été arrêté dimanche soir. Donc, il était en week-end à Dijon chez ses parents. Et quand il est rentré à Paris dimanche soir, il est descendu du train, il a été arrêté par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Donc, on lui reproche bien d'être un espion au service de la Corée du Nord, alors qu'il travaille au Sénat. Donc au Sénat, à Paris, au Palais Bourbon, mais il a un rôle totalement administratif, hein, il tape des rapports, il n'a pas de rôle du tout politique, c'est un haut fonctionnaire qui travaille avec les députés, et sur des questions qui n'ont d'ailleurs aucun rapport avec la politique étrangère de la France en général. Donc on l'accuse d'être un espion au service de la Corée du Nord. Alors pourquoi ces accusations ? Parce que il organise avec l'association d'amitié franco-coréenne des voyages en Corée du Nord et en Corée du Sud. Il milite pour la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les rapprochements. Il participe parfois à des manifestations à Paris de Coréens du Sud ou du Nord. Des manifestations qui réclament la paix et le développement de la culture de paix, donc des progrès sociaux. De l'écoute, de l'entraide, de la solidarité entre les habitants des deux Corées. Et puis bien sûr la démilitarisation. Et ben ça plaît pas du tout au gouvernement français. C'est totalement politique son arrestation. Parce que le gouvernement français est l'un des rares gouvernements européens à ne pas avoir de représentation en Corée du Nord. Le gouvernement français considère, suite à son allié américain, que le gouvernement de Corée du Nord n'est pas légitime alors qu'il est reconnu par l'ONU et qu'il ne doit pas entretenir de relations diplomatiques, donc pas de dialogue avec les Nord-Coréens. Et donc, en tant que responsable de l'association d'amitié franco-coréenne, et ben Benoît, il est intervenu plusieurs fois pour demander à ce que cette politique elle change, quoi, qu'il y ait un dialogue qui soit entretenu entre la France et la Corée du Nord, qu'il y ait des relations commerciales, des échanges, parce que les échanges, qu'ils soient humains ou commerciaux, c'est ce qui permet vraiment de développer et de changer la situation, parfois difficile, y compris politiquement, hein. Personne ne le cache, qu'il peut y avoir dans certains pays. C'est pas en faisant comme les Américains font, en faisant des embargos, en méprisant les gouvernements des pays étrangers, en méprisant aussi la coopération scientifique, par exemple, parce que Benoît a organisé de la coopération scientifique avec les Nord-Coréens. Il y a d'ailleurs un prof de fac de Saint-Dié qui a participé, et un prof de fac en mathématiques. Donc voilà, c'est vraiment... Je suis vraiment scandalisé qu'on puisse arrêter comme ça des responsables d'associations pacifistes, d'associations d'amitié entre les peuples, parce que le gouvernement français refuse cette amitié entre les peuples. Donc tout à l'heure, j'ai passé un coup de fil à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à Paris. Et puis voilà, je vais envoyer aussi un mail de protestation. Et puis pour ceux qui veulent, hein, moi, vous faites bien ce que vous voulez, mais vous pouvez le faire aussi. D'envoyer aussi ce mail de protestation contre cette arrestation qui est, il me semble, injustifiée. C'est simplement une prise à partie de la France pour les États-Unis, si je te suis bien. En fait, le gouvernement français, l'un des rares gouvernements, même d'Europe, à pas avoir de représentation en Corée du Nord. C'est vraiment une politique d'hostilité vis-à-vis de la Corée du Nord. Et nous, ce qu'on a déjà dit au mois de janvier, si on veut que la situation change en Corée du Nord, que la Corée du Nord et la Corée du Sud évoluent vers la paix, mais est-ce bien ce que veut le gouvernement français? Je ne sais pas. Si on veut qu'il y ait la paix, une évolution économique, une ouverture économique, une ouverture culturelle des Nord-Coréens, c'est par le dialogue, l'écoute, la discussion qu'on fait avancer les choses. C'est pas en méprisant son interlocuteur et puis en menaçant sans cesse de guerre. Voilà, ça c'est la conviction profonde qu'on peut avoir en mouvement de la paix. La guerre ne résout absolument rien. La guerre crée des problèmes, elle résout pas les problèmes. Et voilà quoi, donc c'est dans un état d'esprit un peu de déception vis-à-vis de cette gestion autoritaire des choses qui se développent dans notre pays, que je suis là, quoi. Et j'imagine que ça impacte aussi, l'avancée des relations franco-coréennes au niveau politique et au niveau pacifiste. Oui, ça les impacte, oui, parce qu'en fait, il n'y en a pas, et le gouvernement a bien l'intention qu'il n'y en ait pas. Et je trouve que c'est vraiment indigne du gouvernement français de ne pas entretenir des relations diplomatiques avec tous les pays du monde, quels qu'ils soient, quoi. Et de toujours s'ingérer dans les affaires internes de différents gouvernements du monde, c'est d'ailleurs contraire à la charte de l'ONU, c'est contraire au préambule de cette charte qui commence par « Nous, peuple des Nations Unies ». Donc la charte des Nations Unies considère que tous les peuples du monde sont à égalité. Et pour pour la diplomatie française et le ministère français des Affaires étrangères, et ben il y a certaines nations qui méritent pas d'être traitées à égalité. Et voilà, c'est vraiment pas acceptable. En effet, c'est pas, du moins, ça ne rentre pas, si je te suis bien, dans la charte de l'ONU ou dans ses valeurs. Non, mais sur beaucoup de points, la France ne respecte pas les prescriptions internationales. Hein. On a deux territoires français qui sont sur la liste des territoires à décoloniser. Donc la Nouvelle-Calédonie, dont on a entendu récemment, avec le référendum qui s'est passé il y a quelques semaines, oui, qui a vu la victoire du non à l'indépendance à une courte majorité, ce qui est déjà positif pour le mouvement indépendantiste, qui ne réclame que ce qui est prévu par les textes internationaux et par l'ONU. La souveraineté de la France sur la Nouvelle-Calédonie est condamnée au niveau international. De même que la souveraineté de la France sur la Polynésie française, elle est aussi condamnée. J'imagine que ce sont des sujets qu'on peut aussi développer, en fait, la politique colonialiste de la France, même s'il me semble qu'on en avait parlé dans notre émission d'octobre, mais on peut toujours y revenir pour rafraîchir les esprits. Ça a toujours un lien, si je ne me trompe pas, avec la politique étrangère de la France. Évidemment, Mayotte aussi, quand il y a eu le référendum pour l'indépendance des Comores, le gouvernement français, c'était sous Giscard, le gouvernement français s'est arrangé pour que Mayotte se prononce majoritairement contre l'indépendance. Donc, contrairement au droit international et aux prescriptions des Nations Unies, le gouvernement français à l'époque a considéré que Mayotte devait rester française. Alors que dans les prescriptions de l'ONU et le droit international, quand il y avait un référendum d'indépendance, la totalité du pays devait retrouver son indépendance. Sinon, il y aurait eu plein de micro-possessions des pays coloniaux qui se seraient créés tout à travers le monde. Donc, oui, c'est effectivement, ça c'est un gros problème. C'est le non-respect du droit international par les gouvernements français successifs. Tout ça pour élargir la zone de contrôle politique et militaire de la France dans le monde. Est-ce que, mis à part ces enjeux, je veux bien croire aussi que cet impact politique ou cette mainmise politique a un impact sur la gérance, on va dire, du gouvernement français. Est-ce que ça a d'autres avantages, on va dire, le colonialisme ? Ça, c'est une bonne question. Oui, à quoi justement ça sert le colonialisme ? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Vaste question. Là, je pourrais pas. Le colonialisme sert bien entendu des intérêts financiers. Hein. Il ne sert pas à autre chose. Mais alors, un intérêt quelconque pour les populations sous domination coloniale, franchement, je n'en trouve pas. Mais actuellement, la politique étrangère de la France, elle est vraiment très inquiétante. Hein. On en a parlé déjà à de nombreuses reprises, dans la campagne qu'on mène pour que la France signe et ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires, la politique étrangère de la France, elle est honteuse, quoi. Elle est honteuse. On a organisé la soirée là, il y a quelques jours là, à Gérardmer, au début du mois, c'était le 9 novembre. Ah oui, la projection du film. La projection du film Moi et la Bande et Nous, qu'on projettera dans quelques semaines ou mois à Remiremont, bien entendu. Et donc là, on a fait un état des pays signataires du traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc on trouve des pays européens, l'Autriche, notamment le Vatican. On trouve des pays asiatiques, le Vietnam, la Thaïlande, la Palestine. On trouve des pays d'Amérique du Sud, le Venezuela, l'Uruguay, le Nicaragua, le Mexique, le Guyana, Cuba, le Costa Rica. On trouve des pays d'Océanie, la Nouvelle-Zélande, Palau, Samoa, le Vanuatu. Et un pays d'Afrique, la Gambie. Mais on ne trouve pas la France. Voilà. La France qui est une puissance nucléaire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on défend, se grandirait à mettre fin à cet arsenal nucléaire qui aujourd'hui est complètement inutile, quoi. Il n'est aucunement question d'utiliser des armes nucléaires. C'est une perte financière, c'est une arme dangereuse, c'est nuisible. Donc, voilà, je vois que de plus en plus d'organisations diverses et variées nous rejoignent dans ce combat pour l'interdiction des armes nucléaires. C'est une bonne chose. Mais c'est sûr qu'il va falloir une sacrée mobilisation pour convaincre la diplomatie française, le gouvernement français, d'aller dans ce sens-là. En tout cas, ce qu'on peut leur souhaiter ou ce qu'on peut nous souhaiter à tous, si on veut vivre dans un monde plus en paix, c'est d'être en paix et d'ouvrir ces mantras. Mantra qui est d'ailleurs le titre de la première pause musicale qu'on va s'écouter du groupe Duel Palma Pop. Petite découverte assez récente que je partage avec vous et on se retrouve juste après sur le 107. Je t'emmène à Vienne voir les faubourgs, parler d'amour. Viens toi-même, tu sais. La mélancolie de quitter la paix de San Francisco, la colline de cyprès. Le vent dans le dos. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Louis. Vous avez à l'instant écouté le morceau Mantra du groupe Duel Palma Pop. Si vous voulez toujours discuter avec nous, c'est avec plaisir. La ligne est ouverte. Vous pouvez appeler au 03 29 62 40 40 ou passer via notre page Facebook Radio Gamozo. Le sujet de ce soir, on l'a déjà dit, c'est le mouvement de la paix, spécifiquement la politique étrangère de la France. Et on a déjà commencé à déblayer pas mal de choses. Et avant la pause musicale, tu parlais de la ratification du Tian avec les différents pays qui ont signé, dont la France qui ne l'a pas ratifié. D'ailleurs, on va peut-être aussi rappeler vite fait, ou même me rappeler à moi, me rafraîchir la mémoire, c'est surtout les pays qui possèdent la bombe nucléaire qui n'ont pas voulu ratifier le Tian. Oui, donc c'est les pays qui possèdent l'arme nucléaire, sachant que les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, lors du vote à l'ONU, n'ont pas voté contre et se sont abstenus. Donc ce sont des modèles pour nous, les Chinois, les Indiens et les Pakistanais, alors que les Américains, les Britanniques, les Français, les Russes ont voté contre. Et Israël, bien entendu, qui a voté contre, qui a un état nucléaire très très dangereux, qui renforce son arsenal nucléaire régulièrement. Et bien sûr, oui, j'allais oublier, les pays membres de l'OTAN, principale organisation militaire mondiale, une organisation agressive, qui a mené différentes guerres ces dernières années. Donc les pays membres de l'OTAN ont refusé de ratifier ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Voilà. Un chiffre que j'ai calculé récemment, entre 75 et 80% des dépenses militaires mondiales sont le fait des pays membres de l'OTAN. Ah oui, quand même. Oui. Et déjà ça, c'est une partie de la politique étrangère de la France, c'est qu'elle ne veut pas ratifier le Tian, qui est, je le rappelle, un traité mondial pour abolir l'arme nucléaire. Donc c'est déjà ça. Et il y a d'autres, comment dire... La France a une certaine manière de gérer sa politique étrangère. Est-ce que cette politique étrangère, j'imagine que ce n'est pas uniquement les liens cordiaux de préférence avec d'autres pays, ou même d'autres gouvernements? C'est la politique pitoyable qui a été menée vis-à-vis de la Syrie. En 2013, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, déclarait que... les groupes terroristes islamistes du type Al-Qaïda en Syrie faisaient du bon boulot. Et donc, quelque part, appelaient donc, de manière plus ou moins confuse à les soutenir. Voilà. Contre le gouvernement syrien. Parce que dans le jeu d'alliance dans lequel est prisonnière la France et le gouvernement français, donc le jeu d'alliance de l'OTAN et des Américains, qui contrôlent tout dans l'OTAN, il n'y a aucune démocratie dans cette alliance militaire, tout est contrôlé par les Américains. Ouais. Donc j'ai dit que 75 à 80% des dépenses mondiales c'était des pays membres de l'OTAN, la moitié de ces dépenses c'est les Américains. Et donc la France est prisonnière de l'OTAN. Et donc, dans le cadre de cette prison qu'est l'OTAN, prison des peuples, prison agressive et militariste, donc la politique étrangère, notamment en Syrie, a été, je l'ai dit, pitoyable. Voilà, soutien plus ou moins voilé à des groupes terroristes contre le gouvernement syrien. Envoi de soldats en toute illégalité en regard du droit international. En Syrie, il y a actuellement des soldats français en Syrie qui participent aux opérations avec les soldats américains, notamment dans la partie du Rojava, kurdophone. Et donc là-bas, il y a des soldats français qui participent à des opérations militaires. Voilà, c'est bien plus que des conseillers militaires, c'est d'ailleurs des forces spéciales. L'armée française a participé à l'entraînement d'un certain groupe qui ont fini par devenir des groupes terroristes, islamistes aussi. Voilà. Et depuis 2011, le gouvernement français n'a qu'une ligne politique, c'est demander au président syrien de quitter le pouvoir. Donc, certes, le président syrien a bien des choses à se reprocher, mais ce n'est pas au gouvernement français de demander au gouvernement syrien de démissionner. C'est aussi une ingérence scandaleuse dans le droit international. Le gouvernement syrien qui est reconnu par l'ONU, les seuls qui sont à même de choisir leurs représentants et leurs dirigeants, c'est les Syriens eux-mêmes, c'est pas le gouvernement français. Mais voilà, la Syrie, c'est une ancienne possession coloniale française. En 1917, l'armée française s'y est établie. Dans les années 20, il y a eu des massacres, une répression innommable de la part de l'armée française contre les révoltés syriens qui se révoltaient contre le colonialisme français. Et puis, les Français considèrent que la Syrie, c'est leur pré carré. Donc, tu es en train de me dire que la Syrie est considérée comme une colonie française. Une néocolonie, disons. Une zone d'influence. On n'est plus colonie pour certains pays, mais c'est une zone d'influence, quoi. Donc, le gouvernement français s'estime légitime à demander aux Syriens à leur dire qui doit être leur dirigeant, quoi. Mais le problème, c'est que c'est aussi en rupture, c'est une rupture récente. On a rencontré au titre du mouvement de la paix un ancien ambassadeur dans les pays arabes qui s'appelait M. Rimbaud. Et cet ambassadeur nous a expliqué que cette politique hostile vis-à-vis de certains gouvernements des pays arabes, elle est totalement récente dans la diplomatie française. Elle date depuis l'ère Sarkozy. C'est-à-dire le virage atlantiste de la diplomatie française. Jusqu'à l'époque de Chirac, la diplomatie française, sans d'ailleurs soutenir nécessairement des gouvernements répressifs autoritaires, mais avait pour objectif d'entretenir un dialogue avec les gouvernements, notamment des pays arabes. Entretenir un dialogue, et puis parfois, donc le dialogue ça permet parfois de montrer des désaccords, mais en tout cas, pas cette politique agressive qu'on a pu voir avec la Syrie depuis 2011, et surtout avec ce qui s'est passé en Libye. C'est quand même une honte l'armée française, le ministère des Affaires étrangères français a fait en Libye en 2011. C'est scandaleux. C'est contraire à tout principe international. Donc le gouvernement français ne respecte pas ou n'a pas respecté à plusieurs reprises le droit international. Et puis les mécanismes internationaux de respect mutuel entre les nations et les États. Et ça, c'est grave, quoi. En 2011, quand l'armée française intervient en Libye, c'est d'ailleurs pour régler une histoire de financement de campagne de Nicolas Sarkozy, entre autres, et puis pour empêcher les Libyens de mettre en place une banque africaine de développement qu'ils auraient abondée avec 50 milliards de dollars. Donc un projet de développement de l'Afrique, parce que le gouvernement français et la diplomatie française considèrent que l'Afrique n'a pas été développée. Ça, c'est aussi un constat. Et je développerai un peu cette question tout à l'heure. Donc en tout cas en Libye, l'objectif était d'empêcher de la création de cette banque africaine de développement et puis de mettre fin à la résistance d'un gouvernement africain vis-à-vis des puissances européennes et de l'OTAN. Pays qui d'ailleurs entretenait des relations commerciales avec les Chinois, avec la Chine. Ce que ne supportent pas les diplomates, est-ce qu'on peut toujours appeler ça des diplomates, les envoyés des gouvernements français. Ils ont par exemple, ils vont empêcher les Chinois d'investir dans la construction de ports en Afrique de l'Ouest. Voilà. Par contre, ils vont favoriser le pillage des ressources naturelles qui est organisé par les entreprises françaises et notamment par le groupe Bolloré, alors qu'il y a à la fois un pillage des ressources agricoles. Dans certains pays, Bolloré et les différentes entreprises qui possèdent, ils arrivent dans des villages, ils privatisent les terres, ils chassent les populations agricoles. Et après, il en embauche une petite minorité pour travailler en tant que salarié, quoi. Donc, il réduit une partie importante de la population des villages dont il privatise les terres à l'exode rural et aller vivre leur pauvreté dans les métropoles qui enflent, quoi. Et donc, Bolloré, c'est aussi le contrôle des chemins de fer de l'Ouest africain. Chemins de fer qui sont d'ailleurs qui sont pas du tout sûrs, et il y a déjà eu plusieurs accidents tragiques qui ont fait des dizaines de morts, et des chemins de fer qui sont les mêmes qu'à l'époque coloniale, quoi. Il y a un développement très faible du chemin de fer dans l'Afrique de l'Ouest. Les lignes de chemin de fer, elles vont depuis les mines ou les lieux d'extraction des ressources naturelles vers les ports, pour partir vers les anciennes métropoles. Et ça n'a pas changé. Et voilà, et quand les Chinois arrivent pour faire du commerce, donc pour construire des infrastructures, après, dans certains pays, bon, faut être lucide, il peut y avoir des problèmes, notamment avec l'environnement, parce que les Chinois, ils font des grands travaux, mais bon. Est-ce que parfois l'environnement est bien respecté? Il arrive qu'il y ait des problèmes. Mais en tout cas, ils arrivent avec une volonté de développer l'Afrique. Parce qu'ils savent, ils ont, eux, leur conception des choses, c'est le développement par le commerce. Et donc, nous, on est toujours dans une logique coloniale. Le non-développement et l'exploitation. Ah, c'est quand même assez... C'est pas surprenant, c'est révoltant ce que tu dis, mais ça, c'est toutes les informations que tu me transmets, parce que je reste après tout un être humain. Donc j'entends et je comprends. Et on a encore beaucoup de choses à se dire, mais on va peut-être t'accorder une petite pause, Pierre-Olivier, en s'écoutant une pause musicale suivante. France-Afrique de Tiken Jaffa Fakoly, que tu m'as suggéré en venant. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons. Ils puent nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Babylone est très habile. Blague et tu es la la la la vigilance et résistance. Au Cassera Leon de nous borotere, Calibéria de nous mutiler. Africa, why c'est du black et tu es. Black et tu es. La politique France-Africa, c'est du black et tu es. Black et tu es. La politique America, Africa, why c'est du black et tu es. Black et tu es. Black et tu es. Ils vont nous black et tu es. Black et tu es, la la la la. Ils veulent nous black et tu es. Ba bon non non ba non blague tu es blague tu es la la la la et veut nous blague tu es blague tu es il veut nous blague tu es blague tu es oh se réveille vous blague tu es il veut nous blague tu es blague tu es réveille vous blague tu es vigilance et résistance blague tu es il veut nous blague tu es blague tu es oh se réveille Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans cette édition de L'Heure des Loups, avec Pierre-Olivier Poyard pour le mouvement de la paix des Vosges et faire un petit peu le point sur ce qu'il en est dans la paix dans le monde. D'ailleurs, si vous avez envie de discuter avec nous, vous pouvez passer par le téléphone au 03 29 62 40 40 ou par notre page Facebook Radio Gémozo, vu que j'ai l'onglet grand ouvert devant le nez. On a parlé de plein de choses et le titre France-Afrique de Tiken Jaffa Coli est assez équivoque sur l'orientation que va prendre un petit peu cette partie d'émission, à savoir la politique néocolonialiste, parce qu'il me semble, sur le papier, la France n'a plus vraiment de colonies. Sur le papier, hein. Oui, mais en fait, la France mène une politique très agressive en Afrique et une présence militaire dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, avec le soutien des régimes oppressifs et autoritaires. Notamment, je sais pas, moi, au Gabon, au Cameroun, au Togo, dans ces pays. J'aimerais quand même revenir sur l'actualité. Oui, je t'en prie. Parce que j'ai croisé les gilets jaunes sur les ronds-points là, et les élèves du lycée m'en parlent beaucoup aussi de ce mouvement. En tant que responsable du mouvement de la paix, moi, il y a quelque chose qui me... Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des gens qui manifestent, qui se mobilisent pour avoir plus de pouvoir d'achat, plus de moyens pour élever leur famille. Moi, je trouve ça très juste. Mais en tant que responsable du mouvement de la paix, nous, on défend la culture de paix. Et pour nous, la culture de paix est inséparable de la démocratie, quoi. Et donc, ce qui me gêne profondément dans ce mouvement, c'est l'absence de démocratie, quoi. Si y avait eu des moments où les gens qui participent au mouvement, et d'ailleurs, ils auraient pu d'ailleurs appeler toute la population, ça concerne tout le monde, avaient écrit des cahiers revendicatifs, des cahiers de revendications, s'il y avait eu des réunions qui avaient été organisées, j'en ai pas connaissance. Et ça aurait pu déjà être le premier point, un point de départ pour quelque chose peut-être de différent. Parce que les revendications, c'est dommage, parce que là, effectivement, la question de la peau. Bon, en tant que fonctionnaire, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'impôt, si je veux être payé à la fin du mois. Bien sûr, ça se comprend. Mais dans le budget de l'État, il y a de nombreux postes qui sont pour nous pas justifiés, quoi. Les postes qui concernent l'armement, les armes nucléaires, les achats d'armes. 30% du budget militaire de la France, c'est des achats d'armes. Donc plus de 10 milliards d'euros, plus de 12 milliards d'euros, quoi. Ouais, c'est quand même énorme. C'est énorme, voilà, si on veut... je trouve que ça se discute si on veut baisser certaines taxes qui sont surtout payées par les salariés ou par les gens qui ont peu de moyens. Moi, je suis assez favorable, mais après, il faut... je veux dire, si on veut équilibrer le budget de l'État, il faut diminuer aussi des dépenses. Et donc, toutes les dépenses en matière de santé... voilà, on lit des choses complètement délirantes sur Internet, des gens qui vous disent qu'ils veulent bloquer les hôpitaux. Non, on ne bloque pas les hôpitaux, quoi. Je veux dire, c'est la santé des gens, c'est la vie des gens qui est en jeu, quoi. As-tu entendu dire que des gilets jaunes veulent bloquer les hôpitaux ? C'est ce qu'on lit sur Internet, on lit absolument tout. En ça, fait, oui, ça c'est un problème. On lit n'importe quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de véritable cahier revendicatif. Et il y a des mots d'ordre qui circulent sur Facebook. Ils n'ont pas été décidés de manière aussi démocratique par des assemblées. Je veux dire, dans les grands mouvements populaires des époques précédentes, que ce soit en 1936, en 1968, en 1995, les revendications étaient décidées lors d'assemblées où on pouvait discuter et donner son avis. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu, quoi. Parce que nous, on aurait dit que, justement, il y avait moyen de faire des économies dans le budget de l'État, dans des budgets qui nous semblent inutiles, quoi. Comme, par exemple, le budget de l'armement. Et pour finir, on se retrouve avec des gens qui se mobilisent. Ils se mobilisent beaucoup, hein. Ils sont très présents, mais c'est pour se mobiliser, pour obtenir 10 centimes de baisse sur le prix du gasoil. Je trouve que, oui, peut-être qu'on pourrait faire un peu plus et un peu mieux, aller un peu plus loin, quoi. Après, ça dépend. Je vais peut-être compléter un petit peu. Je ne suis pas extrêmement renseignée non plus sur les gilets jaunes, parce que je ne gravite pas avec eux. Mais d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu, bon, même si c'est un ras-le-bol général et un petit peu un gros mouvement de foule, le prix du carburant, si je me trompe pas, c'est un petit peu la goutte de trop. Et il y a beaucoup de revendications qui s'ajoutent un petit peu. Donc ça devient beaucoup. Là, je sais que les gilets jaunes de Saint-Étienne, Lermiremont soutiennent la Démat H. Comme tu sais, ouais. l'hôpital est en danger. D'ailleurs, il y a eu une réunion hier soir. On va faire une interview par téléphone avec Jean Tisserand vendredi, ouais, pour savoir ce qu'il en était et pour réannoncer... Par rapport à l'hôpital ? Oui, par rapport, ouais, à l'hôpital. Et réannoncer, je disais, une manifestation, un concert de casseroles samedi 1er décembre à 14h30 à Remiremont. Enfin voilà, il y a plein de ras-le-bol, en fait, dans tous les sens. Il y a aussi plein de gilets, hein. Il y a les gilets jaunes d'un côté, il y a les gilets verts qui sont plus portés écologie. Je crois que les féministes portent le gilet rose, enfin, d'une certaine manière, où elles ont un brassard. Donc, il y a plein de mouvements contestataires qui poussent un petit peu dans tous les sens. Et, mais ça, tu l'as dit, ce qui peut être dommageable, c'est qu'il n'y ait pas une personne, une entité qui soit là pour fédérer un petit peu tout ça. Bah, que ça aille dans un sens. Une personne, je trouve ça extrêmement dangereux. Parce non, qu'on mais est... en fait, je pense, oui, oui, que tu comprends ce que je veux dire. Oui, disons. Non, mais en fait, le problème, c'est que là, on a des gens qui vont rencontrer le ministre. Au nom du mouvement, ils ont été élus par personne, quoi. Moi, ça me pose extrêmement de problèmes. J'en parlais avec des jeunes au lycée, parce qu'ils me posaient la question, donc on a eu un débat sur la question. Je leur ai dit, mais vous trouvez ça démocratique, quoi, qu'il y ait des représentants autoproclamés qui aient discuté avec le gouvernement, qu'ils ont été élus par personne. Je veux dire, quand on a eu des mouvements de lutte auxquels j'ai participé à l'université ou ailleurs, on faisait des assemblées générales, on mandatait des représentants qui devaient rendre des comptes après devant nous, et qui participaient à des coordinations nationales, qui élaboraient des plateformes revendicatives. Même dans les mouvements qui dépassent les organisations politiques et syndicales. Parce que les mouvements étudiants auxquels j'ai participé quand j'étais à l'université, ou les mouvements que j'ai cités tout à l'heure, dépassaient les organisations syndicales et politiques. Mais les organisations syndicales et politiques, ils trouvaient leur place, elles mettaient dans ces mouvements, elles se mettaient au service des mouvements. Et donc là, il y a aussi cet autre problème, avec la volonté, justement, alors que j'ai vu des vidéos où des élus interviennent qui sont très bien accueillis. Donc je trouve ça un peu paradoxal pour des gens qui expriment un ras-de-bol et qui accueillent sur les blocages des élus à bras ouverts. Bref, Donc ils reçoivent des yeux à bras ouverts, mais par contre, dans leur mouvement, ils ont un discours qui s'oppose très violemment aux organisations qu'on appelle intermédiaires, aux corps intermédiaires. Et je trouve que cette position, ce positionnement est extrêmement inquiétant. C'est pour participer à différentes organisations diverses et variées, associations, partis, syndicats, à chaque fois, ce sont des organisations avec des fonctionnements démocratiques, d'ailleurs, quelles que soient les tendances politiques, sauf à l'extrême droite, bien entendu. Donc, à chaque fois, c'est des organisations démocratiques qui élisent des responsables, les responsables qui sont responsables devant la base de l'organisation, qui peuvent être démis si la base de l'organisation exprime un rejet, une opposition par rapport à ses dirigeants. Et donc, qui sont des organisations qui sont sur la base, une base démocratique, quoi. Et en fait, c'est cette démocratie-là qui est rejetée. Moi, je trouve ça très, très inquiétant, quoi. Et j'en discutais avec mes jeunes au lycée. Et voilà, eux, ça ne les choque pas que des personnes comme ça s'autoproclament les responsables d'un mouvement juste parce qu'ils ont lancé un groupe sur Facebook, quoi. Mais adhérer à un groupe sur Facebook, ça ne vaut pas acceptation et soutien à la personne qui l'a lancé, quoi. Mais je trouve ça, il n'y a plus de débat, quoi. Je trouve ça très, très inquiétant. Et je ne dis pas que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement... fasciste ou d'extrême droite, j'irai pas jusque là, bien entendu, parce que les gens qui y participent, ils participent pour des raisons diverses et variées, même si y a des militants d'extrême droite qui sont présents, non, bien entendu. Je dis pas que c'est un mouvement fasciste ou d'extrême droite, mais je trouve que cette idée qu'il y a une absence de démocratie, l'absence de discuter pour élaborer des revendications, l'absence de discussion par rapport aux moyens d'action. Alors je vois que les moyens d'action dépendent de mots d'ordre qui circulent sur Facebook, on ne sait pas qui c'est qui les donne, on ne sait pas d'où ça vient, il y a des mots d'ordre qui circulent, puis les gens disent « Ah ouais, on nous dit de faire ça, on le fait ». Moi je trouve ça très inquiétant. Voilà, pareil dans les mouvements auxquels on a participé, que je citais tout à l'heure, les modalités d'action étaient décidées en commun dans les réunions, dans les assemblées générales, quoi. Et cette manière de refuser la démocratie, moi je trouve ça très très inquiétant. C'est une manière de fonctionner qui n'est pas une valeur progressiste et qui peut-être un jour facilitera l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et puis du fascisme. Alors je dis fascisme parce que je suis en train de lire un bouquin d'un sociologue qui s'appelle Hugo Paletta, qui s'appelle « La possibilité du fascisme », et il explique qu'il y a de profondes dérives dans notre société autoritaire, répressive, qui vont peut-être rendre possible, peut-être dans un temps rapide, un gouvernement fasciste. Et voilà, et au moins je l'aurais dit à l'antenne de Radio Gemozo. Donc les auditeurs seront avertis. Tu l'auras dit assez franchement, et c'est ça un petit peu la question qu'on se pose. Qui dirige ce mouvement? Qui dirige plein de choses? Qui dirige le monde? Mais qui sont les rois? Qui est d'ailleurs le titre de la dernière pause musicale qu'on va s'écouter. Elle n'a pas la même symbolique, hein, mais c'est un titre de RMK qu'on a reçu il y a quelques semaines à l'antenne. On te fait un gros bisou si tu nous écoutes. Donc on s'écoute « Mais qui sont les rois ?» de RMK, et on se retrouve juste après. Mais qui sont les rois? Mais qui sont les rois? Yeah. Qui sont les rois? Le peuple sans les lois, tu m'enlèves les parasites de tous ces toits. J'élève la voix pour que tout le monde écoute ça. Man, chaque jour est un combat pour faire sourire le monde. Mais qui sont les rois? Le peuple sans les lois, tu m'enlèves les parasites de tous ces toits. J'élève la voix pour que tout le monde écoute ça. Man, chaque jour est un combat pour faire sourire le monde. On regarde la misère d'en face et à l'intérieur. Ça fait toujours aussi mal et du mal à guérir des cœurs. J'y crois, je ne suis pas seul, je crois en nos valeurs. Même si parfois on n'est pas toujours à la hauteur. On se casse la gueule, on se relève car on n'a pas peur. On ride sur un semi de bonheur. Avec de l'amour, ça deviendra des fleurs de lys. J'ai appris à manier tous ces vis, les clics, les rites, les malices, les failles du système qui fait qu'on réalise des projets utiles pour la terre. Adhère, frère, arrête de consommer de la merde. La nature peut nous donner sans pesticides des merveilles. Un message universel. J'élève la voix pour que tout le monde écoute ça. Mais chaque jour est un combat pour faire sourire le monde. Mais qui sont les rois? Le peuple sans les lois. Si on enlevait les parasites de tous ces toits. J'élève la voix pour que tout le monde écoute ça. Mais chaque jour est un combat pour faire sourire le monde. On garde la richesse d'en face et à l'extérieur. Autant de larmes, drames qui alourdissent mon cœur. Terni par l'ammonie. N'oublie pas que c'est des enfants exploités qui font des habits africains dans les mines, tout pour flatter ton ego. Oh, oh, oh. Souvent on sait le vrai du faux. La vérité appartient au très haut. Je suis dans ces corps, là on oublie encore. L'eau, la faune, la flore devient rare comme de l'or. Vu la hauteur que prend l'homme avec sa richesse. Ouvre tes œillères, tu verras plus clair quand tout sera mort. C'est toi le roi. Brise tes chaînes, c'est toi le roi. C'est mes petites graines, c'est toi le roi. C'est toi le roi. Tu as le pouvoir de changer les choses. Mais qui sont les rois? Le peuple sont les lois. Si on enlevait les parasites de tous ces toits. J'élève la voix pour que tout le monde écoute ça. Mais chaque jour est un combat pour faire sourire le monde. J'élève la voix pour que tout le monde écoute ça. Mais chaque jour est un combat pour faire sourire le monde. Les rois de RMK des studios Airplay, vous êtes de retour pour cette dernière partie assez courte de l'heure des loups. Si vous voulez, comme d'habitude, réagir, discuter avec nous, n'hésitez pas à passer par le 03 29 62 40 40 ou sinon via notre page Facebook Radio Guémozo. On se fera un plaisir de discuter avec vous. On a parlé, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une bonne chose, Pierre-Olivier, que tu aies pensé à poser la question en off. Est-ce que les gilets jaunes sont passés à l'antenne pour avoir une légitimité, entre guillemets, pour en parler? Bon, je ne les ai pas reçus, moi. Les personnes que j'ai contactées ne m'ont pas répondu, mais ce n'est pas grave. Il y a en effet le groupement des gilets jaunes du syndicat qui est passé dans l'émission de Michel. La parole est à vous. D'ailleurs, il y en aura une nouvelle ce soir, je crois que c'est avec Jean Tisserand pour la Démat. Mais si vous voulez écouter l'émission sur les gilets jaunes de Michel, elle est encore disponible jusqu'à demain je pense après-midi, sur internet, donc sur radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis la parole est à vous. Je pense que là elle sera trouvable si jamais tu veux l'écouter ou si d'autres auditeurs ont envie de l'écouter et savoir ce que les gilets jaunes ont à dire, elle sera disponible, ou elle est disponible. On a abordé plein de thèmes et je vois que le temps défile, hélas. Et une heure, ça ne suffit jamais pour brasser un petit peu tous les thèmes qu'on se définit, même si on se définit, on essaie de se limiter, entre guillemets, un thème par émission maintenant depuis 2-3 émissions, je crois. Oui, si je crois la France-Afrique, ouais. La politique américaine. Bon, on n'y arrive pas, ça déborde. Non, ça déborde. Puis on parle d'autre chose. Mais voilà, toujours après, dans un même thème, dans une même ligne de mire, la paix dans le monde, parce que c'est tout ce que tu veux, c'est tout ce qu'on veut, nous, êtres humains, vivre dans un monde en harmonie, même si ça semble extrêmement utopiste de ma part. On a abordé plein de choses, mais s'il y a encore autre chose qu'on n'a pas abordé, c'est quelles sont les actualités du mouvement de la paix? Est-ce qu'il y a des associations, non, des réunions, des débats, des manifestations ou des projections cinéma à annoncer aux auditeurs? Oui, mais c'est pas à Remiremont ni à Épinal, c'est à Saint-Dié. À Saint-Dié, on va faire un café débat. J'ai pas encore le lieu, ce sera le 11 décembre, c'est un lundi le 11 décembre, oui ça doit être un lundi, ou le 12 décembre, je sais plus, sur le thème, sur le thème « Peut-on imaginer... » Bon, j'ai des renvois. « Peut-on imaginer de transition écologique sans transition pacifiste ?» Et d'ailleurs, pour confirmer un petit peu ce que tu disais, on a ouvert l'agenda en décembre. Le lundi, ce sera un 10, mardi 11, mercredi 12. Donc, lundi 10. Lundi 10. Donc c'était ni le 11 ni le 12. Non. C'est le 10. Lundi 10 à Saint-Dié, voilà, on va faire un café sur cette question de la transition écologique et de la transition pacifiste. Parce que nous, au Mouvement de la Paix, on constate que plus notre avenir écologique devient incertain, plus les budgets des armements augmentent. Donc, pour faire face aux incertitudes, les gouvernements, notamment les gouvernements de l'OTAN, hein, 75 à 80% des dépenses militaires mondiales sont du fait des membres de l'OTAN. Et en fait, cette part augmente. Donc, 75% il y a quelques années, 80% aujourd'hui, ou ça sera atteint dans les prochaines années. Donc, 75 à 80% des dépenses militaires mondiales, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, on a l'impression que pour eux, pour ces pays membres de l'OTAN, c'est en augmentant l'arsenal militaire, en embauchant des militaires, en achetant des armes, qui pourront contrôler le changement climatique. Parce qu'on est dans une situation vraiment hallucinante, qu'il y a eu la COP21 à Paris, c'était quand ça? C'était il y a 2016, c'est ça, 2016, hein? Donc, depuis 2016, les rejets de gaz à effet de serre augmentent. Il n'y a eu aucun changement depuis ces dernières années. Et notamment en France, les rejets de gaz à effet de serre augmentent en France. Malgré tous les discours qu'on entend, la réalité, c'est que ces rejets augmentent. Donc, le changement climatique va s'accélérer. Et on a l'impression que la priorité de notre gouvernement et des autres gouvernements de l'OTAN, c'est pas de prendre des mesures écologiques, c'est d'investir dans l'armement pour faire face aux populations qui vont devoir migrer pour fuir les sécheresses et les famines, et pour contrôler les flux de population par la guerre. Donc on est vraiment très pessimiste et on se prépare à manifester contre de nouvelles guerres qui, malheureusement, sont à prévoir et à craindre. Ça peut, c'est en effet à craindre. D'ailleurs, j'ai envie peut-être, si c'est possible, de proposer une partie du thème de la prochaine émission, si tu le veux bien. Peut-être une anticipation de ce que pourrait devenir notre monde pour peut-être que les auditeurs puissent prendre conscience de ce qui pourrait nous attendre. C'est pas forcément joyeux, mais bon, on l'a déjà fait dans une émission avec le débat des hauts, quel avenir pour l'humanité, et c'était une émission qui n'était pas très optimiste, pour tout vous dire. Mais je pense, hein, ça c'est juste mon opinion à moi, c'est pas Radio Gémozo, c'est pas la planète entière, c'est moi. Je pense que si on sait ce qui nous attend, on peut peut-être réagir pour peut-être anticiper et faire en sorte que ce soit mieux. Est-ce que, Pierre-Olivier, tu penses que ça pourrait être un thème de prochaine émission intéressant? Un exercice très difficile, je ne sais pas si j'y arriverai. Ah, eh bien, on a hâte de voir ça la prochaine fois. D'ailleurs, on n'a pas spécialement défini de prochaine émission, mais on le fera en off, parce que malheureusement, le moment de se dire au revoir approche tout doucement. Qui dit moment de se dire au revoir, dit déjà moment de faire la programmation de la soirée. Et comme je le disais, prochaine émission, c'est à 20h. Michel, pour La Parole est à vous. Et comme je le disais, je suis presque sûre que c'est avec Jean Tisserand pour l'ADMAT, vu qu'ils ont enregistré l'émission un petit peu plus tôt dans la journée. Puis 22h, j'ai aimé, je vous le lis, avec Dominique et musique jusqu'à demain matin pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Je disais demain matin, mercredi 28 novembre, 7h-8h, suivi de la chronique d'Amadou et enfin 8h30, la matinale de Marion, qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h-19h, pas direct cette fois. Je suis allée sur le terrain à Mulhouse en juin, je crois le 24, et peut-être temps que je la diffuse. Je suis allée à la Geek Unchained où j'ai fait quelques petites interviews, et d'ailleurs j'ai une petite journaliste aussi qui a fait quelques petites interviews, qui avait envie de s'essayer à l'exercice. On verra ce que ça donne, mais si ça vous intéresse, le monde du cosplay, le monde du jeu vidéo, et bien l'émission de demain est faite pour vous. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre la rediffusion de l'émission de demain matin ou qui veulent, je ne sais pas, la réécouter pour les musiques, etc., vous avez l'habitude, vous pouvez retrouver le podcast dans quelques instants, on va dire une demi-heure maximum, sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, aisément écoutable, téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation, ça fonctionne. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait mon speech habituel pour les auditeurs. Bon, eh bien, Pierre-Olivier, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ta présence, tes informations, et merci aussi pour ta régularité. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça engagés, qui continuent à se battre pour leur cause. C'est très précieux. Merci. Et merci aussi aux auditeurs qui ont suivi l'émission jusqu'au bout, comme d'habitude. Bon, bah écoutez, on se donne rendez-vous mercredi 18h pour la prochaine émission. Et pour Pierre-Olivier Poyard, je pense que le prochain rendez-vous sera indiqué avec le podcast de l'émission. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.